Le gentilhomme campagnard par Granier de Castagnac. Ceux qui sont amoureux d'anecdotes héraldiques se transmettent le récit d'une petite aventure qui fit quelque bruit à Versailles, un peu avant le mariage de Louis XVI. Il s'agissait, chose grave dans la cour la plus cérémonieuse de l'Europe, après la cour de Madrid, de régler le nombre et le rang des personnes qui montraient dans les carrosses du roi. Après des conférences aussi longues et aussi orageuses que celles qui avaient eu lieu, un peu moins d'un siècle auparavant, entre le duc de Médina Sidonia et le comte de Marchin, pour savoir si le repas de noces du roi d'Espagne, Philippe V et de Marie de Savoie sera fait par des cuisiniers espagnols ou par des cuisiniers français, on s'arrêta lâchement à un moyen dilatoire qui écartait la difficulté des désignations personnelles et l'on rédigea un projet d'ordonnance pourtant qu'on ne serait admis dans les carrosses du roi que sur l'exhibition de titres établissant clairement 300 ans de noblesse. Les gentilshommes de la cour furent fort satisfaits d'un projet de décision qui les mettait, dans leur idée, en possession incontestée d'un privilège fort beau un jour de noces royales. Et l'avis de l'ordonnance future circula, par l'intermédiaire des gouverneurs de province, du château de Versailles, à la dernière bicoque du royaume en possession du droit de girouette et du droit de mare empoisonné. Or, 25 ou 30 jours après l'avis, juste le temps qu'il fallait, en ces temps-là, pour franchir les bouts qui séparaient la ville de Paris des montagnes du Dauphiné ou des bruyères de la Bretagne, il arriva de tous les côtés, à Versailles, une nuée de gentilshommes campagnards, croûtés et inconnus, vêtus la plupart à la vieille mode et portant d'énormes havresacs remplis de parchemins enfumés, lesquels établissaient des généalogies claires et triomphantes de 4, de 5, de 6 siècles révolus. Si bien que les carrosses du roi n'auraient même pas suffi à contenir cette noblesse sortie de terre, offrant 2 ou 3 siècles de luxe par-delà les quartiers exigés par le projet d'ordonnance. Cette population étrange, évoquée ainsi tout à coup par un débat d'étiquette et effrayant Versailles par une invention de parchemin, ses mines sérieuses et raides, empanachées de vieux titres, comme un orme de lierre grimpant, ces hommes qui traînent après eux un long passé de gloire modeste, qui ont assisté, par quelqu'un de leurs ancêtres, à toutes les batailles de l'Occident, depuis Bouvines, se contentant d'honorer la France et de mourir inconnus, comme ces artistes sans nom qui ont ciselé les clochetons des cathédrales, cette race, dont la raillerie moderne gourmande les fières allures, comme les mignons de Louis XIII faisaient du pourpoint de Sully, n'est pas encore disparu du sol que ses ancêtres ont conquis par la lance, gouverné par la seigneurie, civilisé par la loi. Elle affectionne toujours une demeure en pleine campagne, comme ces nobles de l'Attique que Thésée attira sur l'Acropolis. Elle vit toujours isolée, à la manière des grandes espèces de la création, tour à tour aigle sur son rocher, lion dans ses bois. Il faut même dire que ce qui a distingué extérieurement en tout temps et en tout pays, le gentilhomme du bourgeois, c'est que le gentilhomme vit seul et que le bourgeois vit par troupe. Cette différence radicale dans les mœurs s'est reproduite jusque dans les institutions et jusque dans les monuments. Au Moyen-Âge, la justice noble des villages était rendue par un seigneur. La justice bourgeoise des villes était rendue par un jury. À toute époque, les gentilshommes ont bâti des châteaux séparés. Et les bourgeois des maisons réunies par un mur mitoyen, l'un isole, l'autre s'associe. L'un croit espacé comme le chêne, l'autre croit dru comme le roseau. Le trait caractéristique des gentilshommes, c'est donc d'habiter la campagne. La présence des gentilshommes dans les villes est un fait anormal qui tient des révolutions dans la constitution historique des sociétés, comme la présence de coquillages sur le sommet des montagnes tient des révolutions dans la constitution physique du globe. Il faut bien comprendre en effet que le gentilhomme campagnard est le type primordial de la noblesse et que le gentilhomme des villes est une dégénérescence et un abâtardissement. Si l'on veut suivre à la trace, rien que dans Paris, les établissements qui a fait la noblesse, on verra qu'elle y a accompagné la royauté, entraînée sur la courbe de son orbite comme les planètes par le soleil. Sous la première et sous la seconde race, quand les rois habitaient le palais, la noblesse s'installa dans la cité. Aussi Victor Hugo, ce merveilleux historien des choses bâties, sculptées, parlées et pensées au Moyen-Âge, met-il encore, sous Louis XI, en un coin du parvis Notre-Dame, le logis blasonné par la fenêtre duquel Fleur de Lys de Gondelaurier voit la Esmeralda danser et mimer avec sa chèvre. Sous la troisième race, lorsque les Valois habitent la Bastille ou le palais des Tournelles, la noblesse s'installe dans le quartier du Marais, depuis le temple jusqu'à l'orme Saint-Gervais. Enfin, lorsque les Bourbons habitent le Louvre, la noblesse s'éparpille autour de Saint-Germain-l'Auxerrois et de l'autre côté de l'eau, en face du Louvre, depuis l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés jusqu'à la tour de Nesle. Du reste, cette noblesse qui s'attachait servilement à la royauté, qui acceptait à la cour toutes les charges de chambellan, de panetier, de veneur, de grand queue, inventées par Constantin pour consoler la noblesse romaine abattue, venait à Paris de tous les côtés de la France. Les Noailles étaient du Quercy, les Cossais de la Provence, les Duzès du Roussillon, les La Trémoille du Poitou, les Rouen de la Bretagne. Ils avaient tous quitté la vieille demeure de leurs ancêtres, les populations qu'ils avaient toujours protégées et qu'ils avaient toujours aimées. Si bien qu'au bout de quelques siècles, ces familles expatriées n'eurent plus ni amis ni défenseurs. Paris ne les connaissait que par leur faste, la province que par leurs besoins. Ici, c'était des fournisseurs qu'on ne payait pas, là-bas, c'était des fermiers qu'on pressurait. Et lorsque se leva la tempête populaire, le tourbillon les emporta sans effort, car elles étaient à Paris sur un sol étranger, plantées en terre comme les pieux d'une tente, au lieu d'être enracinées comme les arbres d'une forêt. Dans les autres villes du royaume, la noblesse avait été pareillement attirée par des motifs divers. À Toulouse, à Aix, à Rennes, à Dijon, elle s'était pressée autour des parlements, séduite par des sièges de conseillers ou par des mortiers de présidents. Ailleurs, c'étaient les connétables des maréchaux, ailleurs les simples sénéchaussés, ailleurs même les généralités des finances, car la noblesse française, si grande et si belle sous le chêne seigneurial, s'était débandée à la longue, à la poursuite de conditions étrangères à sa nature et qui ne lui ont pas profité. Un jour, la royauté, les parlements, les connétablis, les sénéchaussés, les généralités, tous ces faits, toutes ces institutions, tous ces leurs, qui avaient attiré la noblesse dans les villes, disparurent à la fois. Les flots de la vieille monarchie qui l'avait portée çà et là, loin de ses aïeux morts, la laissèrent à sec en se retirant sur la place publique des cités. Et elle y est encore, se débattant dans une atmosphère d'idées qui la tue, comme ces phoques éperdus et essoufflés que l'océan des équinoxes oublie au loin sur les grèves. Vous seuls, simples gentilshommes des campagnes, vous êtes restés jusqu'au bout fidèles à votre carrière sociale. Vous seuls, vous avez conservé, élaboré le domaine qui échut autrefois à vos aïeux. Vous avez bien, comme les autres, laissé les cadavres de vos enfants sur tous les champs de bataille, à Bovine, à Lamassoure, à Crécy, à Marignan. Mais vos rudes épaules, habitués à porter leurs charges d'acier ciselé, n'ont jamais pu se faire apporter des casaques brodées. Votre main, dressée au maniement des masses d'armes et des lourdes épées, ne s'est pas efféminée à diriger la sarbacane des mignons. Saint-Germain et Versailles ne connaissent peut-être pas vos noms et vos titres, mais vos noms sont bien connus des populations qui ont vécu et grandi avec vous depuis des siècles, et vos titres, qui sont fort simples et fort courts, comme tous les beaux titres, qui ne reposent ni sur des concessions de cour, ni sur des lettres de chancellerie, comme tous les vrais titres, se retrouvent au cartulaire des antiques prieurés et des primitives abbayes. Et si quelque miracle faisait sortir du tombeau, comme Lazare, la royauté des carousels et des fêtes, que l'histoire y a couché depuis longtemps, si vous pouviez jamais être convié encore à monter dans les carrosses au mariage d'un dauphin, vous reviendriez de toutes parts, en nuée, portant chacun votre histoire domestique, remontant d'ancêtre en ancêtre jusqu'au temps de cette monarchie pauvre, austère et forte, qui savait, comme Charlemagne, le compte des poules de ses métairies, et qui s'habillait de la laine de ses brebis, filée et tissée l'hiver par la main de ses filles, comme César Auguste, premier empereur des Romains. Si l'on nous permet de choisir la province où nous étudierons plus à l'aise les mœurs du gentilhomme campagnard, nous prendrons l'ancien Armagnac. D'abord, nous choisissons une province éloignée de l'ancien duché de France, parce que la royauté, qui avait son siège, associait à ses querelles et à sa fortune toute la gentilhommerie environnante qu'elle avait sous la main, et la dénaturait ainsi peu à peu, lui ôtant le goût de la vie seigneuriale et lui donnant le goût de la vie de cour. Ensuite, nous choisissons une province ayant une frontière fermée et ne se trouvant pas, comme l'Artois ou la Lorraine, sur le grand chemin des guerres perpétuelles, afin que le gentilhomme, libre dans tous ses intérêts, ne se tienne pas claquemuré dans sa tour, comme un vautour dans son aire, et vive, mêlé aux populations, de toute la vie des campagnes, à la fois pastorale et guerrière. Il n'y a guère de paroisse en Armagnac qui n'ait sa maison seigneuriale, maison grave et magistrale dans son attitude, et décorée du nom de château. Les autres maisons se tiennent toujours autour d'elles à une distance respectueuse, plus modeste dans leur maintien, plus simple dans leur parure, et silencieusement rangées le long des chemins qui se dirigent, de divers côtés, vers la demeure du gentilhomme. Il y a en effet cette première différence, extérieurement visible, entre la maison seigneuriale d'une paroisse et les autres maisons ordinaires, que les chemins se dirigent vers l'une, il ne faut que passer devant les autres. Du reste, il est à observer que quelque chose d'indéfinissable et de frappant trahit toujours les abords de la maison seigneuriale. Les routes y sont meilleures, les maisons plus propres, les populations plus intelligentes. On sent, en avançant, qu'on s'approche de quelques principes de vie dont les rayonnements réchauffent et transforment tout autour d'eux les faits et les idées, les hommes et les choses. Quoique ferme et assuré dans sa pose, comme il convient à ceux qui ont l'habitude de la domination, la maison du gentilhomme a pourtant ses aspects dérobés et rêveurs. Le paysan, qui ne comprend et qui ne pratique que le travail du corps, ne ménage jamais, autour de sa demeure, de ses sables dorés ou de ses commodes pelouses, qui invitent aux méditations péripatétiques. Il passe du champ à la table et de la table au lit sans intermédiaire. La maison du gentilhomme a toujours autour d'elle quelques recoins silencieux où le maître se promène et rêve, car le promeneur fait le rêveur. On arrive d'ordinaire à la maison du gentilhomme par quelque sombre allée de chênes, d'ormes ou de châtaigniers. La cour, sainte d'étables et de vacheries, s'ouvre sur l'avenue par un haut portail à plein cintre, pratiqué dans une tour qui sert de pigeonnier. Un perron à large dalle, se rétrécissant de marche en marche, comme un autel, conduit au pied d'une porte massive, à panneaux en bois d'orme et de noyer, laquelle s'ouvre avec un retentissement sonore sur un long corridor qui sépare, à droite et à gauche, ce qu'on appelle en province les appartements. Derrière la maison à l'ouest, se déploie une haute futaie séculaire, entrecoupée d'allées sinueuses et garnies de bancs. Au midi s'étend le jardin, miniature charmante de la culture complète, où la bordure de lavande encadre le carreau de fraise, où la rose ombrage le chou, où le muscat grimpe par-dessus les jasmins, aux plus hautes branches du pêcher, éployées et appliquées contre les murailles. Entre le bois et le jardin, un petit sentier dérobé, descendant jusqu'à mi-côte, s'arrête à un massif de saules, d'yèbles et de glaïeuls, cachettes ombres et fraîches, où s'imbriquent le lavoir et la fontaine. Là, quand le jour baisse, une belle fille du Béarn ou du Pays basque, sa svelte et fine jambe dans un bas bleu, son pied mignon et arqué dans un sabot à talons de fer et à pointe recourbée, descend en chantant une ballade des pourrins, le bras passé dans le goulot de sa cruche, et puis, dans l'attitude de Rebecca écoutant les paroles d'Eliezer auprès du puits de Batuel, elle roule en bourrelet la serviette qu'elle portait en sautoir, élève et pose sans effort sa large cruche sur sa tête, et s'en revient à pas compter, tandis que les ombres descendent dans les vallées, qu'une sorte de fumée s'élève du fond des prés humides, et que la bergère gourmande, de sa petite voix courroucée, la génisse indiscrète qui a glissé son museau dans la haie du buis du jardin. C'est donc l'heure où la famille des champs rentre après les fatigues de la journée. Le gentilhomme, qui est laboureur aux époques où il n'est pas soldat, descend dans la cour, se mêle aux ouvriers qui rentrent, interroge celui-ci sur l'essai de son attelage, celui-là sur la nature du terrain mis à nu dans une friche, tandis que la châtelaine, familière comme Pénélope avec les oies de ses viviers, fait verser l'orge dans des auges et que l'aïeul retient et gronde les petits-enfants, conjurés auprès des poules blanches et les pintades tachetées qui montent avec un petit gémissement plaintif dans les ruches du perchoir. Quand tout ce bruit s'est fait silence, quand toute cette agitation s'est faite repos, les serviteurs se réunissent dans la grande salle et là, comme dans la tente des vieux patriarches ou comme dans le palais du roi Alcinous, le même brasier réchauffe le paysan et le gentilhomme, d'autant plus rapprochés par cette douce et noble familiarité du foyer, qu'ils ont l'un et l'autre toujours présents à l'esprit le sentiment de leur dignité respective. Cette pièce du château de province, qu'on nommerait ici la cuisine, se distingue toujours par son étendue. Une des faces, presque toute entière, est occupée par l'âtre, si spacieux et si large, que deux grands sièges fixes en occupent les coins, place des paresseux, c'est-à-dire place chaude et douce, surtout durant les longues soirées de décembre, avec un tronc de charme mis en travers du foyer. Vis-à-vis du foyer est une longue et massive table de chêne autour de laquelle les serviteurs sont rangés et quelquefois, aux jours d'intimité et d'expansion joviale, le gentilhomme soupe lui-même à l'un des bouts, reproduisant, avec assez d'exactitude, cette belle gravure d'après Rubens où le roi héros d'Antipas, fourré de martre comme un bourgmestre de Flandre, tient le haut bout de sa table monumentale, tandis qu'une belle esclave, au torse cambré et vainqueur, serre dans un plat d'argent la tête de Saint Jean-Baptiste à la jeune princesse Salomé. Cette digne familiarité des maîtres et des serviteurs est encore un des caractères de la vie domestique dans les grandes et vieilles maisons de province. Les parvenus des villes, qui ne sont messieurs que de la veille, et qui ont toujours peur qu'on se souvienne de les avoir vus garçons de café ou marchands de cirage, affectent, pour les gens de service, une hauteur raide et dédaigneuse qui se complique chez mesdames leurs épouses de toutes sortes d'exigences tyranniques, souvenirs survivants de leurs primitives habitudes. Il faut dire aussi que les serviteurs des villes, aventuriers ramassés de toutes parts, sans sympathie possible pour le maître, espions envieux des familles où ils entrent, inconnus et admis par nécessité à l'initiation des mystères du ménage, ne sont jamais tenus trop loin. En province et dans les vieilles familles, les serviteurs sont presque toujours nés et meurent presque toujours dans la maison. Les anciens étaient compagnons d'enfance de l'aïeul et portèrent le maître dans leurs bras en ses jeunes années. Ce sont donc moins des serviteurs qu'on paye que des amis que l'on soutient. Ils savent votre vie et vous savez la leur, double motif d'indulgence, d'affection et de dévouement. Ce sont de ces servantes et de ces valets que l'on trouve dans les comédies de Molière, où ils se mêlent toujours du mariage des filles et procurent quelques écus aux fils du maître de la maison. La race s'en est depuis longtemps perdue dans les villes. Il n'a survécu que là où ont survécu les familles patriarcales, c'est-à-dire au milieu des landes et au fond des bois. Ce n'est pas néanmoins que la gentilhommière de province n'ait aussi ses appartements de cérémonie. Lorsque le curé et le chirurgien, deux dignitaires de la paroisse, font résonner le soir le lourd marteau du corridor, le gentilhomme, qui n'oublie jamais les choses cérémonieuses en pratiquant les choses familières, va les recevoir dans son salon. C'est une grande pièce, au foyer haut et large, couverte de quelques vieilles tapisseries des amours de Gombaud et de Massé, comme en vendait Maître Simon. Un bahut en bois de noyer, sculpté du temps d'Henri IV, avec quelques frises bien hardiment fouillées, où des chiens fantastiques poursuivent, à travers des bois fabuleux, un gibier imaginaire, et des fauteuils, appartenant aux diverses époques du XVIIIe siècle, sont rangés le long des murs, et çà et là pendent, accrochés aux panneaux entre les fenêtres, des portraits d'aïeul entremêlés de toiles guerrières, sur lesquelles quelques compagnons de Montluc aux guerres d'Outremont présentent sa face cicatrisée par l'ouverture de sa salade. C'est dans cette salle que sont conviés à s'asseoir les hôtes qu'un hasard quelconque égare, le soir, aux environs de la demeure du gentilhomme, et auxquels, ainsi que dans Homer, on ne demande leur nom que lorsqu'ils se sont réchauffés et repus. Mais le moment est venu, moment hâtif à la campagne, où les heures de veillée sont courtes, parce que les heures de travail y sont longues, de s'aller refaire des fatigues du jour. Déjà la soirée d'automne s'avance, l'œil du taureau flamboie, poursuivant sans jamais l'atteindre, dans sa courbe du zodiaque, le guerrier Orion, à la ceinture d'étoiles. La nuit est fraîche, et la chasse sera bonne demain. La chasse de province n'a plus aujourd'hui le côté chevaleresque ou épique qu'elle avait avant la Révolution. L'abolition des droits seigneuriaux et l'établissement général du droit de port d'armes ont peuplé les campagnes de méléagres de pacotille, errant çà et là, en toutes les saisons et à toutes les heures, atteignant la nuit ce qu'il manque le jour, et enveloppant du filet ce qu'épargne le plomb. La grosse bête a donc été généralement détruite. Les vallées profondes du Midi, autrefois peuplées de sangliers, nourrissent à peine la caille passagère, la bégassine hyperboréenne et le paisible lapin. Les meutes rogues et hurlantes ont aussi disparu peu à peu, et l'aristocratie canine a cédé le pas à la bourgeoisie du passet. Il y a trois chasses favorites du gentilhomme campagnard pour lesquelles il ne cesse jamais d'avoir 20 ans. Ce sont la chasse du perdreau et du ramier au mois d'octobre, la chasse du lièvre au mois de décembre, et la chasse de la caille verte et de la tourterelle au mois de mai. Quiconque a brûlé une amorce en pleine campagne sait que le perdreau quitte son nom et prend celui de Perdry à la Saint-Martin. Donc, passé le 11 novembre, le perdreau à l'aile très forte part à de grandes distances et ne se chasse plus. Depuis son éclosion, au mois de mai, jusqu'au mois de septembre, il se tient dans les vignes et dans les maïs, creusant sur le sable des sillons toutes sortes de petits nids où il vautre ses plumes. Heureux quand le braconnier, couché sur le talus des contre-allées, ne le foudra pas lâchement dans ses ébats enfantins. Au mois de septembre, chassé un instant des maïs et des vignes pendant la récolte, il se réfugie dans les prés, choisissant avec goût ceux qui sont couverts d'un regain plantureux et verdoyant. Les vendanges faites, il regagne les vignes pour y vendanger à son tour les verjus et les labrusques pendus au bout des sarments et faire sa récolte des plantains et autres herbes à graines succulentes qui mûrissent après le raisin. C'est alors que commence véritablement la chasse au perdreau. Le gentilhomme part à 8 heures, après déjeuner, car le chasseur ne sort jamais sans cette précaution. Au moment où il entre dans les vignes, le soleil, déjà élevé sur l'horizon, commence à pomper la rosée. À 9 heures, tout est sec. Le chasseur n'a alors qu'une idée, c'est de placer les perdreaux entre une lande et lui, de manière à les jeter dans la jonc. Son épagneul à longue soie traque à 20 pas devant lui, se retournant de minute en minute et obéissant aux doigts du maître, qui le porte successivement à droite et à gauche, à bonne portée de fusil. Cette sorte de chien, à fourrure épaisse, les seuls qui aillent bien au fourré pour la bécasse et à l'eau pour les canards, chasse ordinairement le nez au vent et sans jamais poser le museau à terre. Quand la vivacité et la pétulance du chien signalent le voisinage de la compagnie, le chasseur l'appelle du geste et le tient derrière lui. À quelques pas de là, les perdreaux partent tous à la fois comme un tonnerre, et le chasseur tire d'ordinaire, même à longue distance, pour les séparer. Il suit de l'œil les remises, et il y court droit et vite, en tenant toujours son chien à ses côtés. Le perdreau, isolé et jeté dans de hautes bruyères, fait ferme d'ordinaire et part à petite portée. Le massacre, commencé au départ, se poursuit ainsi sur la lande, s'entremêlant de quelques tourterelles de passage en octobre et de crapauds volants ou gorgibus qui se tiennent sur les lisières sombres et boisées et sont fort gras en cette saison. La chasse du perdreau finit à midi. À 7 heures, le gibier part très loin et le flair du chien s'émousse. Elle recommence quelquefois à 4 heures, mais le chasseur de perdreau moissonne le matin et glane le soir. C'est au contraire à 4 heures que commence la chasse de la palombe et du ramier. Les forêts du midi se couvrent en cette saison de myriades de pigeons sauvages. Quand ils s'abattent sur les chênes ou quand ils s'élèvent, on dirait d'une formidable artillerie foudroyant quelques bastions. Ils partent le matin, voyageant toujours du nord au sud et se dirigeant vers les Pyrénées. Quelques instants avant le coucher du soleil, ils s'abattent, par grandes volées, sur la faîne des hêtres ou la glande édayeuse, et la fusillade les fait alors rebondir d'un bout à l'autre de la forêt. Le gentilhomme ne trempe d'ailleurs jamais dans aucune perfidie de filet ou de trappe et autres instruments de bourgeois paralytiques. Il chasse pour tuer et non pour manger. L'automne tout entière se passe ainsi à poursuivre le perdreau, le ramier, la tourterelle errante. Pendant ce temps, le levreau grandit, devient lièvre et se jette dans les bois et dans les landes quand les givres de la Saint-André ont abattu la feuille des vignes. La chasse du lièvre en décembre est encore le plus noble exercice du gentilhomme campagnard. Monsieur de Sautenville le savait bien, lui qui invitait l'amant de Madame Georges Dandin à courre un lièvre sur ses terres. Le gentilhomme qui chasse le lièvre en décembre se lève à 5 heures et déjeune avant le jour. Comme à 7 heures toute la maison est sur pied et que les domestiques mangent leur soupe avant l'aube, le maître prend sa part de chou vert et les arrose de ce vin blanc nouveau du terroir qui est le nectar du propriétaire de vignoble. Il part alors, faisant craquer sous ses pieds les pailles gelées, et le petit jour le trouve déjà au bord de la lande qu'il veut battre ou du bas-fond déboisé qu'il veut explorer. Autant la chasse du perdreau est vive et pétulante, autant celle du lièvre en hiver est pleine de calme et de gravité. Elle est à la première ce que le menu est au boléro. Quand le basset, balayant la mousse de ses longues oreilles, fait entendre des reniflements rapides et grommelle doucement avec un petit son craintif, comme s'il voulait bien s'assurer de son fait avant de pousser son hurlement vainqueur, le chasseur attend, l'arme élevée. Si l'air est calme et la matinée sèche, le lièvre se laisse ordinairement lancer dans son gîte, regardant quelquefois fixement le chien qui ébranle en passant la ronce sous laquelle il est abrité. Une fois parti, il remonte toujours les côtes de préférence, et si le chasseur le manque ou ne l'aperçoit pas, Il fait vivement une pointe d'une lieue et se couche en attendant les chiens. À mesure que la musique formidable, les trois ou quatre notes aiguës et graves de la meute s'approchent, le lièvre médite son plan de retour. C'est ce retour qui lui est toujours funeste, car il s'exécute d'après une route parallèle à la première, et le gentilhomme tacticien, campé dans quelques thermopyles redoutables, ébranle tout à coup l'écho des ravins d'une triomphante explosion, suivie du halali qui rappelle la meute attardée. Le gentilhomme bien appris n'est d'ailleurs jamais dupe de certains lièvres cosmopolites, chevaliers errants qui cherchent les aventures, comme le roi Joconde, et qui, une fois troublés dans leur poursuite galante et lancés au point du jour par les chiens, trouvent prudent de faire 30 lieues d'un trait pour retourner dans leur pays. Ces lièvres, expatriés par le désordre de leurs mœurs, sont faciles à reconnaître aux notions géométriques dont ils se montrent remplis au sujet du plus court chemin opéré par la ligne droite. Le lièvre sédentaire et rangé décrit toujours une ligne courbe en fuyant, tournant avec amour autour du serpolet qui a nourri son enfance et plus sage en cela que Scipion l'Africain, qui disait en mourant à l'interne auprès de ses laitues « Ingrate patrie, tu n'auras pas mes os !» Reste la chasse du mois de mai, chasse toute fleurie, sur la lisière des seigles et dans les sentiers des bois. C'est en réalité moins une chasse qu'une promenade, on y tue moins qu'on y rêve, et l'âme s'y dépouille de tous ses instincts destructeurs sous l'influence des tièdes zéphyrs qui dispersent dans l'air l'arôme des prairies. Quand les rayons obliques du soleil ont soulevé le manteau brumeux que la nuit a étendu sur les herbes, le gentilhomme, désœuvré en une saison où les grands travaux de l'agriculture sont finis, à égale distance des semailles et de la moisson, sort nonchalamment, l'âme pleine de ces vagues envies qui viennent au printemps. Il prend son fusil, par cette habitude incarnée des races guerrières, qui fait dormir l'Indien sur son tomahawk et qui entoure l'Arabe d'une ceinture éternelle de pistolets et de cimeters. Où ira-t-il? Il l'ignore, mais comme les prés sont verts et que les marguerites émaillent le sentier, il descend vers les prés. Alors il lui vient une idée de chasse. Il entend pépiner dans la plaine ces cailles du mois de mai, que les chasseurs ont nommé cailles vertes à cause de la verdure générale des champs et des bois. Et il en tue par-ci, par-là quelques-unes, regagnant peu à peu les hauteurs et visitant les bords de ses blés, dont les tuyaux amples et pléthoriques laissent poindre déjà la barbe soyeuse des épis. La lisière des bois est peuplée en cette saison de tourterelles amoureuses qui se voient de très loin, perchées comme les merles siffleurs du mois de mars, sur les branches sèches des yeuses, et qui roucoulent avec une douceur infinie au milieu du gazouillement général des champs qui s'éveillent. De temps en temps, après une stance tendrement chantée sur le mot de Ionique, ces saphos emplumés vont s'abattre sur la pointe des seigles et se laissent couler jusqu'à terre le long des tiges qu'elles ploient à la recherche des graines natives et des larves déjà écloses aux premières ardeurs de la saison. L'infatigable épagneul, qui furait incessamment parmi les herbes, les relance tout à coup avec un grand bruit d'ailes, et le chasseur averti les abat d'un coup de son tonnerre, au grand épouvantement des bergeronnettes, en promenade matinale dans les sillons. Quelquefois, et surtout vers midi, vers l'heure de la picorée, les tourterelles, montées au plus haut des chênes, se répondent d'un bois à l'autre comme les bergers de Virgile, d'Amétas et Ménalque, jugés par Palémon. C'est au plus entraînant morceau de cette idylle sicilienne, c'est lorsque l'âme de l'oiseau s'épanche en fugue plaintive, que le chasseur s'avance sous les branches, protégé dans sa marche par le bruit de la chanson, et qu'il vise la pauvre tourterelle à cette belle gorge mordorée, toute palpitante de notes harmonieuses. L'oiseau tombe, enveloppé d'un léger nuage de feuilles brisées, et les gouttelettes de son sang, échappées de ses narines roses, vont rougir les fleurs radiées des fraisiers sauvages, éparses dans les clairières, et qu'on prendrait pour des marguerites, ces belles reines des prairies, qui portent d'or sur champ d'argent, comme les rois de Jérusalem. Hélas, hélas, le gentilhomme désœuvré, cruel par nonchalance et destructeur par ennui, a beau poursuivre et tuer tout ce qui chante et tout ce qui aime, le temps est aussi venu pour lui d'aimer. Le soleil du printemps se lève pour tout le monde, et l'ardeur qu'il allume n'épargne pas le cœur de l'homme après avoir ravagé le cœur de l'oiseau. Pendant qu'il lançait son plomb à la cime des chênes, l'amour, qui est un habile archer, lui lançait aussi sa flèche barbelée, et il était tout à la fois vainqueur et vaincu. Pour une tourterelle qui ne chante plus au bois, il y a 10 bergères qui chantent sur le coteau. Et quoique leurs chansons, inconnues des muses, soient agrestes et grossières, comme celle qu'Apollon, esclave dans sa jeunesse, adressait aux bœufs du roi Admète, hélas, ce qu'on les voit des jeunes femmes, au mois de mai, dans les Landes du Béarn. Elle a ce qu'ont les vers de Lucrèce et de Théocrite, ce que chacun sentit au moins une fois et regrettera toujours. Peut-être nous reprochera-t-on de faire tomber notre gentilhomme en ses faiblesses. Que voulez-vous ? L'historien raconte tout. Dieu qui a fait le jour a fait la nuit. Il n'y a pas de lumière qui n'ait sa pénombre, et l'homme le plus grand par l'idée touche toujours à terre par le corps. Après tout, la pire condition ici-bas n'est pas de trouver belle, un jour de printemps, les charmantes filles des Pyrénées. Tout ce qui nous reste aujourd'hui des antiques races pastorales, qui disaient aux chèvres et aux génisses les vers de Billon et de Moscus. Allez, noble héritier des châtelains du Moyen-Âge, vous dont les pères avaient de belles vassales qui peuplaient leur seigneurie, nul ne vous blâmera d'avoir trouvé que les hautes fougères du mois de mai couvrent la lande d'un tapis charmant, mouchetés çà et là de bouquets de genêts sauvages, que l'heure de midi, avec le doux miroitement du soleil sur le satin lustré des herbes, avec le silence des oiseaux qui s'endorment dans les bois, avec les premiers accords de la cigale perchée sur les nerfs prins des haies, et cirant l'écrin de son archet, est une heure admirable, sous l'ombre des yeuses, pour dire à une femme qu'on l'aime, et que malgré les vers de Virgile, les zéphyrs sont des confidents fort discrets. Demain, vous recommencerez vos courses, vos chasses, vos amours, peut-être. Demain, vous veillerez, comme toujours, sur cette terre, des bris modestes, des possessions immenses de vos pères, que leurs mains avaient conquises et que les vôtres ont fertilisées. Demain, vous serez encore laborieux, simple, hospitalier, et après une vie passée dans vos calmes retraites, comme la royauté ne vous appelle plus pour aller mourir sur quelque lointain champ de bataille, vous mourrez à l'ombre de vos chaînes séculaires et vous reposerez, sans marbre et sans inscription, dans le petit cimetière de campagne, au gazon si frais et aux haies d'aubépines si fleuries, que les rossignols trompés y font leur nid et y chantent, comme dans les jardins du Delta. C'était le gentilhomme campagnard, par Granier de Castagnac.